Si c'était 1200 francs, répondit-elle, je vous dirais de me l'envoyer. C'est antique, mademoiselle, fit observer le marchand, qui, semblable à tous ses confrères, croyait avoir tout dit avec ce nec plus ultra du bric-à-brac. Excusez-moi, monsieur, c'est fait de cette année, répondit-elle tout doucement, et je viens précisément pour vous prier, si l'on consent à ce prix, de nous envoyer l'artiste, car on pourrait lui procurer des commandes assez importantes. Si les 1200 francs sont pour lui, qu'aurais-je pour moi? Je suis marchand, dit le boutiquier avec bonhomie. Ah, c'est vrai, répliqua la jeune fille en laissant échapper une expression de dédain. Ah, mademoiselle, prenez, je m'entendrai avec le marchand, s'écria le Livonien hors de lui. Fascinée par la sublime beauté d'Hortense et par l'amour pour les arts qui se manifestait en elle, il ajouta « Je suis l'auteur de ce groupe. Voici 10 jours que je viens voir 3 fois par jour si quelqu'un en connaîtra la valeur et le marchandera. Vous êtes ma première admiratrice. Prenez !»« Venez, monsieur, avec le marchand dans 1 heure d'ici. Voici la carte de mon père, » répondit Hortense. Puis, en voyant le marchand aller dans une pièce pour y envelopper le groupe dans du linge, elle ajouta tout bas, au grand étonnement de l'artiste qui crut rêver, « Dans l'intérêt de votre avenir, monsieur Venceslas, ne montrez pas cette carte. Ne dites pas le nom de votre acquéreur à mademoiselle Fischer, car c'est notre cousine. » Ce mot, « notre cousine », produisit un éblouissement à l'artiste. Il entrevit le paradis en voyant une des Ève tomber. Il rêvait de la belle cousine dont lui avait parlé Lisbeth, autant qu'Hortense rêvait de l'amoureux de sa cousine, et quand elle était entrée... Ah, pensait-il, si elle pouvait être ainsi! On comprendra le regard que les deux amants échangèrent. Ce fut de la flamme, car les amoureux vertueux n'ont pas la moindre hypocrisie.